بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى و 6 رمضان 1441 qui correspond au 8 mai 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur les ondes de la radio du site Imam Dar Hijra. Qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde ceux qui sont à l'origine de ce site et à l'origine de ces rencontres. Et oui, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, c'est déjà la nuit du 16 Ramadan. Nous avons déjà terminé les 10 premiers jours du mois de Ramadan et nous sommes dans la moitié des 10 derniers jours, des jours médianes. Cela prouve que nous courons vers notre terminus. Et le doué d'intelligence doit se poser des questions et faire les comptes avec lui-même. Avec quoi il veut rencontrer Allah? Car la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les comptes est imminente. Que chacun de nous fasse les comptes avec lui-même. Et ne devons pas perdre cette noble saison du jeûne. Et nous arrivons vers le meilleur de ce mois de Ramadan, qui sont les dernières nuits de ce mois de Ramadan. Et le doué de raison ne doit pas rater, perdre le bénéfice de cette noble saison. Et on doit beaucoup implorer Allah et insister dans le dua, car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui donne la réussite. Ceci dit, nous allons passer cette séance avec un cours intitulé « L'exemple du croyant qui lit le Coran », qui est une assise de notre noble cheikh Ubaid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en savait dans son obéissance. Cette assise a eu lieu le 17 Ramadan 1436. يقول حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'ange à Allah, le Seigneur des mondes, prière et salutations sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظرة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. Et donc il dit, حفظه الله تعالى, il cite le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Abu Moussa al-Ash'ari a dit que le messager d'Allah a dit: le croyant qui récite le Coran est comparable à un sidrat. Le sidrat, Le cédratier, c'est une espèce de citronnier qui est particulier, qui a une très bonne odeur et il a un très bon goût. Donc le croyant qui récite le Coran est comparable à un cédrat. Son odeur est agréable et sa saveur est suave. Et le croyant qui ne récite pas le Coran est comme une date qui est sans odeur, mais dont la saveur est douce. Et l'hypocrite qui récite le Coran est comparable au basilic, dont le parfum est bon et le goût est amer. Quant à l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est comparable à la colocante qui a une odeur et dont le goût est amer. يقول شيخنا حفظه الله تعالى ومتع به: هذا الحديث كما سمعتم فيه أقسام المكلفين الذين استجابوا للإسلام، ويخرج به المكلفون الذين لم يستجيبوا للإسلام، لم يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وغيرهما من الملل الكافرة. وفي هذا إشارة إلى أن الديانات الأخرى غير دين الإسلام ليست بديانات سماوية، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو مشركية. وقد بسطنا هذه المسألة في دروسنا وفي مواطن كثيرة جدا، ومن كان مكتلا من الحضور والسامعين من المسلمين والمسلمات يعلم هذا عنا، فهذه الإحالة مغنية عن إعادة ما فصلنا في هذه المسألة من القول هناك. إلدي حفظه الله نتخنوب الشيخ دي كم فولو لافي انتندو سو حديث contient les catégories de pubères qui ont répondu à la da'wa de l'islam, donc les pubères qui n'ont pas répondu à l'appel de l'islam ne sont pas concernés par ce hadith et par ce que contient ce hadith. Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager alayhi salam, comme les juifs, les chrétiens et les autres tendances de mécréance, ne sont pas concernés par ce hadith. Et ce hadith attire l'attention sur le fait que les autres religions en dehors de l'islam ne sont pas des religions célestes, que ce soit le judaïsme ou le christianisme ou le zoroastrianisme ou le polythéisme. Et ce sujet, nous l'avons détaillé dans d'autres assises. Celui qui fréquente nos assises et celui qui écoute nos cours, c'est cela. Donc nous n'allons pas le traiter ici. يقول حفظه الله فأقسام هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسوله في الجملة من حيث انتفاعهم بالقرآن من حيث انتفاعهم في أنفسهم ونفعهم غيرهم وعدم ذلك إلى أربعة أصناف كلكم أدركها. Il dit, Habidallahu ta'ala, donc les catégories de ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager sont au nombre de quatre. Certains, leur réponse à Allah et à son messager, alayhi salam, leur a été bénéfique, leur a été profitable et les a rendus aussi bénéfiques aux autres. D'autres, ça ne leur a pas profité ni ça ne leur a pas profité à eux-mêmes ni aux autres. Et cela, vous l'avez compris. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, فالصنف الأول الذي هو أسعد الأصناف وأرفعها مقاما وأشرفها سلوك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل الإيمان ظاهرا وباطنا شبههم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من خصه الله بما خصه به من ميزات وخصائص أنه آتاه جوامع الكلم بأنهم يشبهون الأطرجة وهي نوع من الفواكه وجدناها بالمدينة لكن لا أدري الآن هل هي موجودة أو لا. اللي حفظه الله تعالى la première catégorie, c'est-à-dire la première catégorie parmi les gens qui sont cités dans le hadith, vis-à-vis du Coran, face au Coran. La première catégorie, il dit Habidallah, la plus heureuse des quatre catégories. Il a plus élevé en degré, il a plus honoré et la plus honorable dans le suivi de la voie de Muhammad alayhi salam. Ce sont les gens de la foi, dans leur apparence et dans leur cœur, dans leur intérieur. Notre prophète à qui Allah a donné ce qu'il a donné comme spécificité et à qui il a donné la synthèse de la parole, les a fait ressembler au sidrate. C'est une espèce de fruit que nous avons trouvé à Médine, mais je ne sais pas si maintenant on la trouve ou pas. Et il dit, Havidallah, la question ici, ووجه الشبه أن ريحها طيب وطعمها طيب فالمؤمن بالقرآن هو طيب المظهر وطيب المخبر فطيبه مظهرا الاستقامة على ما أمره الله سبحانه وتعالى بفعله فيفعله واجتناب ما نهى الله عنه فينتهي عنه ويجانبه ومن حيث مخبره أنه مخلص لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه وتصديقه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو صادع بلسان حاله أو مقاله بقول سمعنا وأطعنا، هذا من وجه دي حفظه الله تعالى. La ressemblance des croyants avec le sidrat, la ressemblance est dans le fait que sa saveur est suave et son odeur est agréable. Dire la saveur à l'apparence du croyant, il est bonne et aussi son intérieur est bon. Hein? Avec le Coran, le croyant est agréable dans son apparence et aussi dans son intérieur, il est bon dans son intérieur. La bonté de son apparence, c'est qu'il est dans la droiture en mettant en pratique, en mettant en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Et concernant son intérieur, concernant son cœur, ce qu'il accomplit comme ordre et ce qu'il délaisse comme interdit, il le fait dans la sincérité pour Allah Azza wa Jal. Et dans son cœur, il atteste la véracité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé, et il atteste aussi la véracité de ce que son messager a annoncé. Le croyant, par sa parole et par sa situation, il déclare haut et fort, nous avons entendu, nous obéissons. Ça d'une part. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا تَقْتَصِرُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْقُرْآنِ أو على نفسه، فهو ينتفع به وينفع به غيره، فهو صادق عليه قول صادق عليه قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Il dit d'autre part, son profit ne se limite pas à lui-même, profite pas tout simplement lui-même du Coran. Il profite du Coran et il en fait profiter les autres. Et il est inclus dans la parole du prophète qui dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran, qui l'apprend aux autres. » Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. « Wa su'alu huna, kayfa ta'allamu al-Qur'an wa ta'limuh ?»« Wa al-jawab huwa fima rawahu Abu Abdurrahman al-Sulami » قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. إيه اللي حفظه الله تعالى. La question ici, comment il apprend le Coran et comment il l'enseigne? Il dit la réponse, il est dans ce qui est rapporté par Abu Abdurrahman Sulami, un tabi'i, qui a dit, ceux qui nous ont appris le Coran, c'est-à-dire parmi les nobles compagnons de Allah alayhim, ceux qui nous ont appris le Coran, tels Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, ont dit qu'ils ne dépassaient pas 10 versets, qu'ils prenaient directement du prophète alayhi sallam, avant de les avoir appris, compris et mis en application. Nos nobles compagnons, radhiyallahu alayhim, les nobles compagnons du prophète, alayhi salam, apprenaient 10 versets du prophète, alayhi salam, ils les comprenaient, ils prenaient les leçons, la science à apprendre dedans, et ils mettaient en application. Et après, ils passaient aux 10 autres versets. يقول شيخنا حفظه الله فتفطنوا حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. وبهذا تسقط حجة جماعة التبليغ الذين لا يقررون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إلي حفظه الله مديتي سلا إسوي إيفي أبخي كمبخي ميون أبليكاسيون. إلز أبخين إل كمبخين إل ميتون أبليكاسيون. Uthman ibn Affan et les autres compagnons ont appris aux tabi'in qu'ils apprenaient la science et la mise en application. C'est-à-dire, ils mémorisaient le Coran ce qu'ils mémorisaient du Coran, ils apprenaient la science qu'il y a dedans et ils apprenaient ce qu'il faut mettre en application, ils le mettaient en application. Il dit, Habidallah, ainsi s'évapore la preuve de Jama'at Tabligh qui nous confirme du monothéisme, que le monothéisme de la seigneurie et qui disent, le messager a dit, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Cheikh Rahmatullah Alayh, il attire notre attention ici que sur ce groupe ne donne pas d'importance à la science. Et ce groupe, juste il a pris ces paroles du prophète alayhi salam, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Bien sûr, mais il faut l'apprendre, il faut le comprendre, il faut apprendre la science qu'il y a dedans, pour pouvoir la transmettre. Et le grand hic, c'est dans cette jama'a, c'est pour ça Cheikh il l'a cité ici, c'est qu'il ne donne pas d'importance à la science. يقول حفظه الله هؤلاء أيها المسلمون والمسلمات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون من نبيهم العلم والعمل خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويعلمون الناس كذلك ما تعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم من القرآن العلم والعمل وهذا يدل على أنه يجب على من تصدر ميدان الدعوة إلى الله عز وجل وأئمة المساجد الذين ينشطون للدروس ويعلمون الناس مما علمه الله من الفقه في دين الله إلى أن يضموا إلى ما تعلمه من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلاهما وحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وقد تنسخه وتدل على ما يدل عليه القرآن من أمر أو نهي ولهذا كان علماؤنا وإمتنا أعني علماء أهل السنة وإمتهم يقبلون ما جاءت به السنة كما يقبلون ما جاء به القرآن ولا يردون شيئا من ذلك وسواء كان ما جاءت به السنة ومذكور في القرآن أو انفردت به السنة وهذا إذا كانت السنة التي بلغتهم صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم Il dit, حفظه الله Ô musulmans et musulmans, les compagnons de Muhammad alayhi salam, apprenez de leur prophète alayhi salam, la science et la mise en application de celle-ci. Ils apprenaient la science et les œuvres. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'apprend aux autres. Donc, ils apprennent aux gens ce qu'ils ont appris de leur prophète, alayhi salam, du Coran, et ce qu'il contient comme œuvre à faire et comme chose duquel il faut s'éloigner, il faut délaisser. Il dit, Habidallah, cela prouve que celui qui s'y met en avant pour da'wah vers Allah Azza wa Jal, ainsi que les imams de mosquées qui sont actifs dans l'enseignement et ils enseignent aux gens ce qu'Allah leur a donné comme science de la religion, ils doivent accompagner ce qu'ils ont appris du livre d'Allah, de la sunna de son messager, alayhi salam. Car les deux sont une révélation d'Allah à son messager, alayhi salam. C'est-à-dire le livre et la sunna. La sunna explique le Coran en clarifiant ce qui est cité dans un sens général dans le Coran, la sunna le clarifie. Et ce qui est cité dans le Coran dans un sens absolu, la sunna vient en faire la spécification. Il vient le spécifier. Et la sunna abroge certaines choses du Coran. Et la sunna prouve ce que prouve le Coran comme ordre et comme interdiction. C'est pour ça que nos savants et nos imams, je veux dire, nos savants, les savants de la sunna et les imams de la sunna, acceptent ce qui est contenu dans la sunna comme ils acceptent ce qui est contenu dans le Coran et ils n'en rejettent rien. Que ce qui est cité dans la sunna, que ce qui est, ce qui, ils n'acceptent et ils ne rejettent rien. Que ce qui est cité dans la sunna est cité dans le Coran ou pas, quand la sunna est authentique du prophète alayhi salam, ils l'acceptent. Ça veut dire que ils acceptent la sunna même si celle-ci n'est pas citée dans le Coran. tout ce qui est authentique, qui vient du prophète alayhi salam, il l'accepte. Hein? Comme il accepte tout ce qui est dans le Coran. Il dit, Hafidhahullah, wa lillahi alhamdu wal minna, al muqtiluna minkum, ayyuha al muslimuna wal muslimat min majalisina. يعلمون أن قد بسطنا هذه المسألة في مواطن كثيرة بما أراه يغني عن إعادة ذلك هنا هذا المؤمن صاحب القرآن il dit حفظه الله أو مسلمون et مسلمان la longe à Allah ceux qui fréquentent nos assises savent que nous avons détaillé ce sujet dans plusieurs assises de façon qu'il n'y a pas à le répéter ici. C'est-à-dire que, comme quoi, il faut mettre en application le Coran et la Sunna, ceci, Cheikh l'a détaillé dans beaucoup d'assises. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas le détailler, il n'a pas besoin de le détailler ici, de le répéter ici. Et il dit donc, ça c'est le croyant, l'homme du Coran, qui apprend, qui le met en application, qui l'enseigne aux autres. Ça c'est la première catégorie, la catégorie élevée chez Allah, Azza wa Jalla. Parmi les gens du Coran, qui l'apprennent, le comprennent, le mettent en application, et aussi l'enseignent aux autres. D'où l'expression, ah, et son odeur est bonne. Hein? يقول وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن آتاه الله القرآن وحفظه أو حفظ ما تيسر له منه أن يتعاهده بالتلاوة. خصوصا إذا كان ممن كان سريع النسيان ولا سيما في هذا الشهر المبارك الكريم ومن المعلوم من قواعد أهل العلم والإيمان أن شرف العبادة وفضلها يزداد بشرف الزمان والمكان il dit حفظه الله et dans cela il y a une preuve que celui qu'Allah accomplit par le Coran accomplit par la mémorisation du Coran ou il a mémorisé une partie du Coran, il doit le réviser. Surtout, et ceci s'impose à celui qui oublie vite, et surtout durant ce noble mois de Ramadan. Et ce qui est déterminé dans les règles des savants, des hommes de la science et de la foi, c'est que l'honneur de l'adoration et l'honneur de ses mérites augmentent avec l'honneur du lien, du lieu et du temps. Et ici, on est dans une saison qui a des mérites. Donc, adorer Allah par la lecture du Coran est quelque chose qui est méritoire. D'autant plus que si le mois du Coran. يقول حفظه الله الصنف الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو مؤمن بالله رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتعبد لربه بما فرض الله عليه إخلاصا لله واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا شبهه التمرة طعمها طيب ولا ريح لها كيف ذلك اللي حفظه الله et la deuxième catégorie le croyant qui ne lit pas le Coran. Il croit en Allah, il a agréé Allah comme Seigneur, et l'Islam comme religion, et Muhammad comme messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il voue son culte exclusivement et sincèrement pour Allah. Il accomplit ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui ordonne d'accomplir dans la sincérité et dans le suivi du messager, alayhi wa sallam. Celui-là, le messager l'a fait ressembler à la date, dont le goût est bon, mais il n'a pas d'odeur. Comment cela? قال حفظه الله هو انتفع بالقرآن فصلحت حاله مظهرا ومخبرا لكنه ليس عنده أهلية حتى يعلم الناس مما علمه الله وقد تكون عنده أهلية قليلة جدا كان يأمر مثلا بحسن الوضوء بحسن الصلاة لكنه ليس مؤهلا إلى أن يعلم الناس كل الناس كل الفقه فهو مثل التمرة في نفسه طيب مستقيم صاحب تقوى وصاحب صلاح لكنه ليس عنده ما يعلم الناس هذا معنى لا ريح له إذ حفظه الله ce croyant dont le goût est bon et qui n'a pas d'odeur. Ça veut dire qu'il n'a pas d'odeur, c'est que les gens ne profitent pas de lui. Il n'enseigne pas aux gens. Il dit, Habidallah, ce croyant, il a profité du Coran. Il profite du Coran dans son apparence, par le fait que son apparence est amendée par le Coran, ainsi que son intérieur. C'est-à-dire, il est amendé par le Coran avec quoi? En mettant en application les ordres du Coran, en s'abstenant de ce qu'il a interdit, et son cœur a été amendé aussi par le Coran. Mais il n'a pas la compétence pour enseigner aux gens ce qu'Allah lui a appris. Il se peut qu'il a peu de compétences. Il a peu de compétences, il a juste les compétences pour ordonner, de bien perfectionner le dos, ou de bien perfectionner la prière, mais il n'a pas la compétence pour enseigner aux gens tout le fiqh. Il est comme la date. Il est dans la droiture, il préserve les droits d'Allah, c'est quelqu'un de bien, mais il n'a pas les compétences pour enseigner aux gens. Ceci, c'est la signification de ce qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'odeur. يقول الصنف الثالث والرابع نسأل الله أن يبعدهم عنا وبعدنا عنهما نسأل الله أن يبعدهم عنا وبعدنا عنهما الثالث منافق يقرأ القرآن من هو المنافق إذا أطلق المنافق في القرآن والسنة يعني دون قرينة لفظية أو معنوية فهو صاحب النفاق الاعتقادي وصاحب النفاق الاعتقادي هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر وبهذا لعلكم علمتم وقد علم كثيرا منكم أن النفاق قسمان نفاق اعتقادي هو ما بيناه وعرفناه من أئمة العلم والدين والإيمان وقد عرفتموه كذلك من قبل قد عرفتموه كذلك من قبل الجهاد الله لا تخوزيام إلى كتخيام كاتيغورين دومون دو الله كلي زيلوان دونو إكنو زيلوان دو dit la troisième catégorie, l'hypocrite. Il dit, la troisième catégorie, l'hypocrite qui lit le Coran. Il dit, c'est qui l'hypocrite? Il dit, quand l'hypocrite est cité dans l'absolu, dans la sunna et dans le Coran, s'il est cité dans l'absolu, sans être désigné par un signe abstrait ou une expression, cela concerne la grande hypocrisie. L'hypocrisie au niveau des croyances. C'est-à-dire l'hypocrisie qui sort de l'islam. L'hypocrisie au niveau des croyances, c'est celle de celui qui fait apparaître l'islam et qui cache la mécréance dans son cœur. Et avec cela, vous savez, et beaucoup parmi vous le savent, que l'hypocrisie est divisée en deux parties. L'hypocrisie au niveau des croyances, c'est ce que nous avons clarifié de ce que nous savons des savants et des imams du savoir et de la science et de la religion et de la foi. Et c'est ce que vous savez déjà. C'est-à-dire, l'hypocrisie au niveau des croyances, c'est l'hypocrisie majeure. C'est l'hypocrite qui fait montrer le bien, qui fait montrer l'islam, mais en réalité dans l'intérieur, il est mécréant. Et quand le munafiq est cité comme ça, dans l'absolu, dans le verset ou dans la sunna, il désigne l'hypocrisie qui sort de l'islam, l'hypocrisie au niveau des croyances. C'est le terme munafiq n'est pas accompagné d'une description, d'une expression ou d'une description abstraite ou autre, ça désigne la grande hypocrisie qui sort de l'islam. قال نفاق عملي سمي نفاقا من حيث إنه يتعامل مع الناس بخير ما يظهره لهم وهو بخلاف ما يظهره لهم من خير لهم وخصاله خمس وهي الكذب في الحديث وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة وخلف الوعد والغدر في العهد فلا تغتروا، هذا التقسيم لا بد منه. Il dit, Habibullah, l'hypocrisie au niveau des actes, puisque l'hypocrisie est divisée en deux, l'hypocrisie au niveau des croyances et l'hypocrisie au niveau des actes. Il a été nommé ainsi, l'hypocrisie des actes a été nommée ainsi, car l'hypocrite dans ses rapports avec les gens, il montre le bien alors qu'il est le contraire de ce qu'il montre. Et les caractéristiques de l'hypocrisie au niveau des actes, les caractéristiques de cette hypocrisie et les caractéristiques de l'hypocrite au niveau des actes sont au nombre de 5. Quand il parle, il ment. Il n'est pas loyal quand on lui dépose un dépôt. Il est grossier, il lève la voix dans les disputes. Il ne tient pas sa promesse. Il trahit l'engagement. Il dit, Habibullah, ne vous faites pas voir, cette division de l'hypocrisie est obligatoire. C'est-à-dire, les hommes de la sunna divisent l'hypocrisie en deux. Hein? Hypocrisie au niveau des actes qui ne sortent pas de l'islam, mais qui est très dangereuse parce que il fait tomber dans d'énormes péchés capitaux, comme le mensonge, la déloyauté, le fait de trahir l'engagement, et ainsi de suite. Et l'hypocrisie, la grande, qui fait sortir de l'islam, c'est au niveau des croyances. Et il est obligatoire, pour bien comprendre, d'assimiler cette division. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. Pourquoi ? Tout de suite. « Yaqul wa yajibu ala man yu'allimu al-nas din Allah wa yufaqihum fihi an yubayyina hada li anna ashaba » الفلسفة والجهلة والمتفذلقة والمتحزبة يطلقون النفاق إطلاقا هكذا ولا يبينونه للناس كما جاء به الكتاب والسنة وسار عليه أئمة العلم والدين والإيمان من السلف الصالح بدءا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أساس السلف الصالح فأئمة التابعين فأئمة من بعدهم إلى اليوم ولله الحمد. Il dit, Habibullah, il est du devoir de celui qui apprend la religion, qui enseigne la religion aux gens, de leur clarifier cela. C'est-à-dire quand il y a des clarifications à faire, qu'il les fasse. Hein, comme ici, qu'il doit leur clarifier les catégories de l'hypocrisie. Hein, de leur clarifier cela, car les adeptes de la philo, ainsi que les ignorants, et les beaux parleurs, et les adeptes des groupes, lâchent le terme de l'hypocrisie dans l'absolu comme ça. Il ne le clarifie pas aux gens. Hein? Il ne le clarifie pas aux gens comme il est cité dans le livre et dans la sunna et dans la voie sur laquelle étaient les imams de la science et de la religion et de la foi parmi les pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons de Mohammed alayhi salam, qui sont la base des pieux prédécesseurs, puis leurs successeurs, les imams des tabi'in et les imams qui leur ont succédé sur cette voie jusqu'à nos jours. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là que tout cela, partant de nobles compagnons d'Allah alayhim jusqu'aux imams des tabi'in et les imams qui sont venus avec eux, après eux, et les imams qui sont venus après jusqu'à le jour, font ces clarifications et expliquent aux gens, de cette façon, ce terme, l'hypocrisie, comme ça les gens ne sont pas dans le brouillard, ni dans le flou, ni dans les ambiguïtés. يقول حفظه الله فهذا شبه بالريحانة رائحتها طيبة ولكن طعمها مر وهو يظهر للناس أنه يقول الحق ويصدع به وهو يظهر للناس أنه يقول الحق ويصدع به، ولكنه في الباطل ليس كذلك، طعمه مر، من خبره يجد عنده خلاف ذلك. Il dit حفظه الله donc cette catégorie des hypocrites qui lit le Coran, le messager la fait ressembler au basilic. L'odeur du basilic est bonne, mais le goût est amer. Et donc cet hypocrite fait apparaître aux gens qu'il est sur la vérité et déclare la vérité haut et fort, mais dans son intérieur c'est le contraire. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « son goût est amer ». Et celui qui le côtoie et qui le fréquente le sait. Il le saura de lui, comme quoi hein, il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il est et ce qu'il pense. يقول حفظه الله والرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن هذا مثله مثل الحنظلة خبيثة الطعم والرائحة والحنظلة هي التي يسميها عوامنا الحج نبت مر له ثمر كبير يسميه العوام الحج البوادي لا يعرفون كلمة حنظلة يسمونه الحج وهو في الحقيقة خبيث الطعم وخبيث الرائحة لا يتحمله أحد كنا ونحن صغار نقطع اليابس منها فنفقأه فتفوح منه أعوذ بالله رائحة كريهة تتحدر مع الحلق مرارة ولهذا حتى المواشي لا تأكله لا تطيقه اللي حفظه الله La quatrième catégorie, l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, dit celui-là, c'est comme la colocante. Il a une mauvaise odeur et un goût très amer. La masse saoudienne l'appelle Hajj. Les Marocains l'appellent aussi le Hajja. C'est une plante amère, son fruit est un peu plus petit que le melon rouge. Hein? Dans les campagnes et chez les herboristes, on l'appelle l'hajja. Il est très amer. Et il a une mauvaise odeur. Insupportable. Cheikh, il dit, quand ils étaient gamins, ils cassaient. Hein, il dit, quand on était gamin, on cassait celle qui était sec. Et il en sort une odeur, a'oudou billah, une très mauvaise odeur, qui s'infiltre dans la gorge et qui provoque une forte amertume. Hein? Il dit même les animaux ne le mangent pas, il est insupportable. Il dit Hafidhahullah, هذه أصناف الناس في القرآن أيها المسلمون والمسلمات وبقية مسألة هي متممة للتعليق على هذا الحديث وتلكم المسألة مقاصد القرآن بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها أو جلها ثلاثة. Il dit, Habidahullah, ce sont là les, ô musulmans et musulmanes, ce sont là les catégories des gens face au Coran. Il dit, il reste un sujet pour compléter le commentaire de ce hadith. Il dit, ce sujet, c'est les buts du Coran, qui sont clarifiés dans la sunna, et ils sont au nombre de trois. Les buts du Coran sont au nombre de trois. Il dit, al-maqsad al-awwal, التعبد لله بتلاوته وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهنيئا للمستكثرين المتقربين إلى الله عز وجل بتلاوة كتابه عز وجل وقد عرفنا رجالا يحافظون على ورد الليل كل ليلة جزء فيختمون القرآن في شهر. Il dit حفظه الله le premier but du Coran c'est le fait d'adorer Allah avec sa lecture. Il dit cela est prouvé par le hadith où le messager a dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah il aura une hasanat. Il a hasanat et multiplié par 10. Je ne dis pas alif lam mim c'est une lettre mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Le hadith est rapporté par Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Et il dit, Habidahullah, félicitations à ceux qui le lisent beaucoup pour se rapprocher d'Allah. Il dit, nous avons connu des hommes qui lisent un chapitre quotidien, chaque nuit, dans les prières nocturnes de sorte qu'il termine sa lecture chaque mois. يقول المقصد الثاني التدبر وهو التفكر والنظر وإيضاحه أنه يتأمل كل ما يقرأه من كتاب الله عز وجل حتى يستبين له الوعد والوعيد والأمر والنهي والخبر والقصص والجزاء والحساب لغير ذلك مما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الذي وصفه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقد ذم الله تعالى من لا يتدبرون القرآن في مواطن من كتابه ومنها قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى غير ذلك فالتدبر يورث العمل ويكسب المرء العمل بالقرآن ومعه السنة لبيانه على الوجه الصحيح لنفسه ولغيره إذا انتصب معلما للناس ومفقها لهم في دينه إذ حفظه الله تعالى le deuxième but du Coran la méditation la réflexion pour le comprendre il doit méditer tout ce qu'il lit du livre d'Allah pour que lui apparaissent les promesses d'Allah qu'il y a dans le Coran, qui sont citées dans le Coran, pour que lui apparaissent aussi les avertissements qu'Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran, pour que lui apparaissent clairement les ordres d'Allah et les interdits d'Allah et les annonces du Coran et les histoires citées dans le Coran. Il dit, et aussi pour que lui apparaissent les récompenses et le jugement et autres chose que Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce Coran ainsi. Dans ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Certes, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Et il dit, Habidahullah, Allah a blâmé ceux qui ne méditent pas le Coran dans beaucoup de passages dans son livre. Fait partie de ces versets, le verset qu'il a cité ici, dont la traduction approximative nous dit ceci, ne médite-t-il pas le Coran ou alors il y a des cadenas sur leur cœur? Il dit, Habidahullah, la méditation et la compréhension du Coran motivent la mise en application. Et la mise en application du Coran doit se faire, doit être accompagnée de la sunna. La sunna qui donne une clarification authentique à la personne. La sunna donne une clarification authentique et saine du Coran à la personne qui le met en application. Donc la mise en application du Coran doit se faire avec la sunna. Qui est une clarification, qui donne une clarification authentique pour la personne sur ce qu'il lit et sur ce qu'il pratique. Et aussi quand il enseigne aux autres, il doit agir ainsi, en accompagnant le Coran toujours de la sunna qui est la clarification du Coran. يقول حفظه الله المقصد الثالث العمل وهو اللب وفي ذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال قال الراوي ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. Il dit, حفظه الله, le troisième but, et c'est l'essentiel, et c'est le but le plus noble, et cela est prouvé par plusieurs hadiths. Il dit, le jour de la résurrection, c'est le hadith où il dit, le jour où le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, le jour de la résurrection, on fera comparaître le Coran ainsi que les gens du Coran qui le mettaient en application, ils seront précédés par Sourate la Vache et la famille de Al-Imran. Le messager leur a donné trois exemples et le transmetteur a dit, du hadith a dit, je ne les ai pas oubliés. Le messager a dit, hein, les exemples qu'il a donnés à Surat Al-Imran et à Surat Al-Baqarah, a dit, ils seront comme deux nuages ou comme deux couches noires l'une sur l'autre et entre deux il y a une lumière. Ou comme deux groupes d'oiseaux alignés qui intercèdent pour ceux hein, qui mettaient le Coran en application. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, la mise en application, c'est elle qui amène vers les hauts degrés. Regarde, le Coran viendra intercéder pour ceux qui les mettent en application. Regardez cette description, cette image que nous a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui sont... hein, qui mettent, les gens du Coran, qui le mettent en application, vont arriver, ils seront devancés par Surat Al-Imran et Surat Al-Baqarah en forme soit de grands nuages, l'un sur l'autre, ou hein, de grands espaces, de grandes couches noires, une sur l'autre, entre lesquelles il y a de lumière, ou par des groupes, de grands groupes d'oiseaux, qui viennent pour intercéder pour ceux qui mettent le Coran en application. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. Yaqulu hafidhahullah, fa nas'alullah al-azim, rabbul arsh al-karim, an yaj'alana wa iyyakum min ahli hadha al-Quran, al-amilina bihi ala ma yurdhih, wa an yaj'alahu hujjatan lana, la alayna yawma nalqah, wa an yushaffi'ahu fina yawma nalqah, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا حفظه الله nous demandons à Allah le très grand, le puissant, le Seigneur de l'immense trône qu'il fasse que nous soyons tous parmi les gens du Coran qui le mettent en application de façon qui satisfait Allah et qu'Allah fasse que le Coran soit une preuve pour nous et non une preuve contre nous le jour où nous rencontrerons Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran intercède pour nous le jour où nous rencontrerons Allah subhanahu wa ta'ala. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, ses nobles compagnons. Ainsi se termine, hein, cette assise sur ce sujet qui est très intéressant, hein, et qu'Allah fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an ينفعنا بما سمعنا وينجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتع شيخنا بالصحة والعافية وأن يطيل عمره في طاعته وأن يفقهنا وإياكم في دينه ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يرفع عن أمة الإسلام هذا البلاء سلوه سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة الإسلام هذا البلاء وأن يخرج إخواننا من الديار الغير المسلمة وأن يردهم إلى بلاد الإسلام سالمين غانمين وأن يثبت إخواننا وأخواتنا المهاجرين والمهاجرات على هجرتهم في بلاد الإسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلاهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا